Agro J'écoute, ça commence maintenant. Agro J'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Agro J'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. Tous les produits en cidre devraient être interdits. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'École d'ingénieurs de Purpan. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve avec Sixtine, Alan et Emma. On est tous les trois étudiants en dernière année à l'École d'ingénieurs de Purpan et on se retrouve autour de la table pour parler de l'impact de l'alimentation sur la santé et en particulier sur la santé mentale à travers les effets directs des nutriments, l'influence du microbiote et les conséquences de la façon dont nous percevons notre régime alimentaire. C'est vrai qu'on parle souvent de l'impact de l'alimentation sur la santé physique, c'est une connaissance acquise. Et il faut savoir que l'alimentation est le premier facteur de chute de l'espérance de vie, devant même l'alcool ou le tabagisme. Oui, c'est vrai. Des liens forts sont établis entre l'augmentation des risques de maladies cardiovasculaires, des maladies inflammatoires, des diabètes, des cancers et d'autres maladies liées à la santé physique et le contenu de notre assiette. Et depuis quelques années, on entend de plus en plus dire que le contenu de cette même assiette aurait un impact sur notre santé mentale. C'est notamment ce qui ressort d'un rapport de l'INSERM en 2017. C'est vrai que le sujet a longuement été délaissé, alors qu'en 2025, l'OMS a énoncé le nombre de personnes touchées par des problèmes de santé mentale à 1 milliard à l'échelle planétaire, soit environ une personne sur 8. À préciser qu'on entend la santé mentale à travers la définition donnée par l'OMS, c'est-à-dire un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Et d'ailleurs, dis-moi Alan, c'est pas toi qui m'avais parlé de ça la dernière fois, que l'alimentation a impacté directement le fonctionnement de notre cerveau, tu peux nous expliquer ? Alors, c'est un peu complexe. Le cerveau, il a besoin de deux types de nutriments, les macronutriments, qui apportent de l'énergie et les conditions nécessaires à la synthèse des neurotransmetteurs, et les micronutriments, qui ont un rôle de cofacteur et qui régulent le système nerveux. Ok, je vois, c'est vrai que ça a l'air complexe. Mais du coup, on dit que certains sucres sont mauvais pour la santé, mais ça fait quoi sur le cerveau ? Ça, c'est une excellente question. Parce qu'effectivement, le glucose, c'est la principale source d'énergie pour le cerveau. Il en consomme à peu près 120 grammes par jour, et ça représente 20% de l'énergie totale du corps. Du coup, la bonne disponibilité en glucose, c'est indispensable au maintien des capacités comme la mémoire, l'attention, la prise de décision. Et en plus de ça, la consommation de glucides entraîne une production d'insuline. Et cette insuline, elle facilite l'entrée du tryptophane, dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Et elle facilite l'entrée du tryptophane dans le cerveau. Et d'ailleurs, j'ai trouvé quelques informations qui parlaient des glucides dans la revue Food and Science Nutrition. Alors, il semblerait que les glucides simples entraînent un pic de glycémie, donc une chute de la glycémie ensuite assez rapide, ce qui entraîne des fatigues cognitives, de l'irritabilité, de la fluctuation de l'attention et de l'humeur. Et à long terme, on pourrait même avoir des risques accrus d'inflammation, de stress et d'Alzheimer. En revanche, les glucides complexes, eux, ils ont une libération progressive du glucose, lente et stable. Ça permet une stabilité mentale, cognitive et de l'humeur. Et il y a une augmentation lente et progressive du tryptophane dans le cerveau, mais stable, et pas de risque d'Alzheimer. Mais d'ailleurs, ce tryptophane dont tu parles, c'est quoi et on le trouve où ? Ça, c'est une très bonne question aussi. Alors, le tryptophane, c'est un acide aminé. L'acide aminé, on trouve ça dans les protéines. Il faut imaginer les protéines un petit peu comme un collier de perles. Et les acides aminés, ce sont les différents types de perles. Donc, on retrouve les acides aminés dans la consommation des protéines. Et ces acides aminés peuvent permettre de synthétiser des neurotransmetteurs. En l'occurrence, le tryptophane permet de synthétiser la sérotonine, qui est une hormone qui module l'humeur, réduit le stress et a des effets plutôt bénéfiques sur l'anxiété. La tyrosine, qui est un autre acide aminé, permet de synthétiser la dopamine et la noradrénaline. Ce sont des hormones qui vont plutôt avoir un lien avec la motivation, l'attention, la résistance au stress. Et l'histidine permet de synthétiser l'histamine, qui, elle, a plutôt un lien avec l'éveil et la vigilance. Donc là, on a vu les glucides et les protéines. Mais les lipides, alors, t'en as pas encore parlé ? Alors oui, c'est un petit peu compliqué, c'est le sujet sur lequel on a un petit peu moins d'informations, mais j'ai quand même trouvé des choses intéressantes dans la revue Frontiers in Neuroscience. Et du coup, sur les oméga-3, on sait qu'ils constituent la membrane des neurones, la membrane neuronale, et ils modulent l'inflammation et influencent la transmission synaptique. Du coup, une carence en oméga-3 est associée à un risque accru de troubles dépressifs. On a une corrélation assez forte qui indique ça, mais on n'a pas encore de causalité absolue. On n'a pas de lien, de preuve absolue pour dire que c'est le cas. Les acides gras saturés, c'est tout l'inverse. Il semblerait, selon des recherches récentes, qu'un régime riche en acides gras saturés augmente les risques de troubles dépressifs. Si la recherche continue dans ce sens-là, on pourrait dire, dans pas longtemps, que les régimes riches en oméga-3 et pauvres en acides gras saturés pourraient complémenter les traitements pharmacologiques dans la dépression et les troubles cognitifs. C'est fort à quel point notre alimentation peut agir sur notre cerveau. Ce qu'on met dans notre assiette, ça influence aussi notre santé mentale. Et toi, Sixtine, tu t'es justement penchée sur le microbiote. On en entend beaucoup parler aussi. Ce qu'on mange peut changer son fonctionnement et même avoir un gros impact sur notre santé mentale. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Eh bien oui, le microbiote, c'est un monde miniature dans nos intestins. Il y a environ 40 000 milliards de micro-organismes, soit presque autant que nos propres cellules humaines. Tellement énorme qu'aujourd'hui, on le considère comme un organe à part entière, et même comme notre deuxième cerveau. Comment les bactéries peuvent influencer ce qu'on ressent ? Eh bien, il existe une communication entre le microbiote intestinal et le cerveau, une sorte de ligne téléphonique. Elle passe surtout par le nerf vague qui relie les deux directement, un peu comme une autoroute. Quand ton microbiote va bien, il envoie des signaux de calme, de bonne humeur, de meilleure concentration. Alors que quand il est en déséquilibre, il peut envoyer des signaux de stress, d'anxiété ou même de fatigue. Et donc c'est pour ça qu'on dit que l'intestin c'est le deuxième cerveau ? Exactement. Et d'ailleurs, il y a bien 90% de la sérotonine dont nous parlait Alan tout à l'heure, l'hormone du bien-être, qui est fabriquée dans notre intestin. Ok. Et comment on sait si le microbiote va bien ? Eh bien, parce que le microbiote, qui est composé donc de milliards de bactéries, qui ont différents rôles très importants, tels que par exemple protéger la barrière intestinale, produire du mucus protecteur, empêcher les pathogènes d'entrer, fabriquer des vitamines, digérer des fibres et même produire des neurotransmetteurs. Si on vulgarise un peu, il existe trois familles de bactéries. Les symbiotiques, qui sont les bonnes bactéries, les commensales, qui sont les bactéries neutres, et les opportunistes, qui, elles, deviennent vraiment problématiques si elles prennent trop de place. Bref, ces bactéries sont sacrément actives et vraiment importantes pour notre corps. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour le microbiote quand on mange trop de glucides ou trop de lipides ? Alors là, c'est fascinant, parce que quand on mange trop gras, trop sucré, trop salé ou trop transformé, on modifie très vite l'environnement du microbiote. Et du coup, certaines bactéries prolifèrent et d'autres disparaissent. J'ai lu dans une revue sur l'influence d'un régime riche en graisses saturées que cela réduit jusqu'à 30% certaines bonnes bactéries protectrices. Parce que les fibres manquent tellement à ces bactéries qu'elles perdent leur carburant et laissent la place aux bactéries opportunistes. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand les bactéries symbiotiques diminuent ? Eh bien, le problème, c'est que tout l'équilibre se casse la figure. Les bactéries symbiotiques, qui sont celles qui fabriquent des molécules anti-inflammatoires, renforcent la barrière intestinale et nourrissent nos cellules intestinales, quand celles-ci disparaissent, c'est comme si on perdait nos gardiens de l'intestin. Alors que les bactéries opportunistes, quant à elles, qui adorent les graisses, les additifs, quand elles sont trop nombreuses, elles produisent des toxines qui augmentent l'inflammation et perturbent l'acidité de l'intestin. Cela fait que la barrière intestinale se fragilise et donc t'imagines une passoire au lieu d'un filtre sélectif. Cette passoire, elle fait passer les molécules inflammatoires dans le sang qui atteignent le cerveau, les articulations et activent le stress oxydatif. On observe donc finalement de la fatigue chronique et une baisse d'humeur. Et donc ça peut conduire à des problèmes psychologiques ? Oui, les chercheurs le savent depuis peu, mais c'est impressionnant. Camille Nickel a sorti une revue en 2025 qui décrit que certaines bactéries, dont Lactobacillus et Bifidobacterium, travaillent à la production de GABA, qui est un neurotransmetteur essentiel qui aide à réguler les réponses à l'anxiété et au stress. La réduction de ces superbes bactéries bénéfiques peut être liée à une augmentation des symptômes d'anxiété. J'ai découvert dans la thèse du docteur Mir que il y a des études de transplantation fécale qui sont réalisées avec des souris où les troubles anxieux et dépressifs pouvaient être transférés par le biais du microbiote intestinal d'un organisme à un autre. Et donc comment ce dérèglement finit par déclencher du stress ou de l'anxiété ? Eh bien, quand la barrière intestinale est abîmée, avec la diminution des bactéries bénéfiques, des molécules inflammatoires circulent dans le sang. Et le cerveau, lui, est très sensible à l'inflammation. Cela induit une baisse d'humeur, de l'anxiété et un manque de motivation. Les personnes dépressives ont presque toujours un taux d'inflammation plus élevé. Alan parlait tout à l'heure de la maladie d'Alzheimer, pardon. Et donc, est-ce que ça peut aller jusqu'à entraîner cette maladie ? Oui, indirectement par contre. Parce que quand les mauvaises bactéries prennent trop de place, elles produisent des toxines qui peuvent abîmer les neurones, augmenter le stress oxydatif et favoriser l'accumulation de protéines mal repliées. C'est un phénomène clé dans la maladie de l'Alzheimer. Il y a une étude de l'Université de Genève qui a été publiée en 2020 qui montre que chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, on observe une perte de diversité microbienne chez la majorité des patients. C'est complexe. Et je trouve ça fou de me dire qu'en changeant simplement le contenu de nos assiettes, on peut agir sur notre stress, notre humeur et même protéger notre cerveau. Franchement, ça donne envie de prendre soin de notre microbiote. Oui, carrément. En tout cas, c'est clair que notre régime a vraiment un impact important sur notre cerveau, de manière directe via les nutriments ou indirecte via le microbiote. Mais il me semble qu'il y a autre chose. Il me semble que ça peut aussi avoir un impact sur la psychologie. Quand par exemple on mange avec des aliments avec plaisir, pour leur goût, pour le moment convivial passé autour d'un repas, c'est source de bien-être. Comme le fait de se sentir en bonne santé, ça impacte la santé psychologique. Emma, c'est toi qui as fait les recherches sur ce sujet, c'est toi qui t'y connais le mieux, est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, il y a beaucoup à dire sur ce sujet, et on peut d'ailleurs commencer par écouter un passage de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, qui mentionne la perception du plaisir et du bien-être dans l'alimentation. Eh bien, vous savez, l'alimentation reflète ce qu'est une société. Par conséquent, toutes les crises de la société, on peut dire, se reflètent dans l'alimentation. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Eh bien, on peut en dire que ce qui est très grave, c'est que on croit encore trop que l'alimentation, c'est quelque chose de rationnel, c'est-à-dire que la science va nous dire ce qu'il faut manger. Heureusement, l'homme, ça n'est pas le cas, n'est-ce pas ? Et quand Figaro dit « boire plus que de raison, faire l'amour en tout temps », c'est ce qui nous distingue des autres animaux, il a parfaitement raison, et même ça ne nous distingue pas des autres animaux. Autrement dit, notre comportement alimentaire, il n'est pas rationnel. Nous sommes guidés par le plaisir, n'est-ce pas ? Et ce plaisir, il va très loin parce que, dans la mesure où nous savons nous écouter, nous nous réglons très bien. Et derrière le plaisir que nous trouvons à manger, nous trouvons le type d'homme, n'est-ce pas, que nous voulons être. Et même derrière le type d'homme, le type de famille, le type de société que nous voulons être. C'est bien qu'une société, ça se construit autour de l'évolution de son alimentation. Nous venons d'écouter un passage de l'INA sur le comportement alimentaire guidé par le plaisir. Et vous êtes toujours sur le podcast « Il en faut peu pour être heureux, mangeons mieux » sur Agro J'écoute. Pour poursuivre sur le contenu de l'extrait et ta question, Alan, la composante plaisir et bien-être est centrale dans l'alimentation. Elle passe par ce que tu décrivais, et aussi à l'échelle individuelle par une certaine volonté de prendre soin de soi. Je connais bien ça, la volonté de prendre soin de soi, c'est source de dopamine, non ? Oui, et pas que. On parle aussi à l'échelle psychologique de réduction de la dissonance cognitive. C'est défini par Festinger, un philosophe, en 1957, comme étant l'incohérence face à la contradiction entre des croyances, qui peut être source de tension et d'inconfort. Et donc l'objectif, c'est de réduire cet inconfort pour établir un équilibre. À savoir que l'inconfort peut être très rapide ou très temporaire. Prenons l'exemple, par exemple, des fumeurs qui ont besoin de fumer régulièrement, tout en sachant que c'est nuisible pour leur santé. Mais alors si je comprends bien, la cohérence cognitive, c'est le fait de prendre soin de soi ? Pas que. En effet, il y a aussi la motivation de prendre soin de l'environnement et de l'autre. Par exemple, l'éco-anxiété est citée comme étant en lien avec la dissonance cognitive, dans une étude de Clayton en 2020, avec donc justement une valeur de préservation de la Terre, mais aussi une valeur de sociétale de consommation et de croissance qui rentre en incohérence. Et donc on observe dans certains cas des troubles anxieux, de l'insomnie chronique, des états dépressifs ou encore des comportements compulsifs jusqu'à la paralysie temporaire. C'est une étude de Berry et d'autres chercheurs de 2018 qui l'expliquent. L'éco-anxiété touche 80% des Français. C'est d'ailleurs le contenu d'un autre épisode d'Agro J'écoute, l'épisode 22. Et au-delà de l'environnement, il est mentionné dans un article d'Adrien en 2024 le terme de socio-anxiété pour parler des tensions sociales liées aux inégalités qui affectent les individus. Mais attends, tu me parles de questions sociales et de questions environnementales, ça nous renvoie un peu au développement durable, ça non ? Oui, complètement. Le développement durable, c'est défini comme la capacité à répondre aux besoins actuels tout en permettant aux générations futures de répondre aux leurs. Donc d'un point de vue économique, il faut que ce soit viable avec une bonne rémunération par exemple pour les producteurs, une bonne accessibilité des produits pour les consommateurs, que tout le monde puisse vivre dans un environnement qui soit vivable et que d'un point de vue social ce soit soutenable, qu'il y ait une question d'éthique et de justesse. Et donc l'idée c'est d'appliquer ce principe-là à l'alimentation. Oui, et donc en fait ça nous fait prendre l'alimentation dans le cadre de systèmes alimentaires avec la production, la transformation, la distribution, mais aussi la consommation des aliments en prenant en compte tous les impacts socio-économiques et environnementaux qui y sont liés. Donc par exemple, il faudrait des systèmes qui soient plus rémunérateurs pour les producteurs, plus accessibles pour les consommateurs, avec plus de solidarité, d'équité, et que la consommation en ressources soit moindre, plus cyclisée, et qu'il y ait moins d'émissions de gaz à effet de serre ou d'autres pollutions. Je trouve que c'est des super bonnes idées, mais on en est encore loin, non ? Ah oui, complètement. Le CIRAD, en 2025, publie une étude qui montre que 30% de la population la plus riche dans le monde génère plus de 70% des impacts environnementaux négatifs, en particulier liés à l'alimentation, tandis que plus d'un milliard de personnes souffrent encore de malnutrition. Donc face à ça, il y a des recommandations, notamment d'un groupe d'experts sur la sécurité alimentaire et la nutrition, le HLPE, pour une alimentation durable, ainsi que par le Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale. Et en France, on retrouve les PNNS, ces fameux programmes nationaux de nutrition et santé, je ne sais pas si vous connaissez, qui valorisent justement une alimentation qui soit équilibrée, comme vous la définissiez tout à l'heure, mais aussi qui respecte les enjeux environnementaux et sociaux. Et donc dans ce cas-là, on parle d'une approche qui est écologique. L'écologie dans le sens plutôt de la branche de la biologie qui étudie les relations entre êtres vivants et au milieu. Et donc adopter des comportements qui soutiennent et valorisent des systèmes alimentaires durables, ça peut permettre de réduire la dissonance cognitive et c'est ça qui est censé améliorer le bien-être, c'est bien ça ? Oui, en théorie, et même si l'inconfort peut être très rapide, le lien est fait. Et au-delà de ça, dans certaines études, notamment celles de Welch et Culling de 2010, il est avancé que des comportements pro-écologiques vont en corrélation avec un meilleur bien-être. Et qu'est-ce qu'on entend par bien-être ? Moi, j'aime bien quand c'est clair. Larousse définit le bien-être comme un état agréable résultant de la satisfaction des besoins, du corps et du calme de l'esprit. Donc ça nous renvoie un peu aux besoins humains définis par Max Neef, notamment. Notamment le besoin de subsistance, c'est le fait d'être en bonne santé. Le besoin de protection, de participation. Participation à des projets citoyens, participation au soutien d'agriculture qui soit plus durable, plus territorialisée. Ça peut aussi faire intervenir les besoins de loisirs et de création. On observe aussi un besoin de compréhension, compréhension de l'origine des produits, compréhension des autres, compréhension de comment fonctionne l'environnement. Et enfin, les deux derniers besoins, que sont l'identité ou la liberté. La liberté de choisir des produits qui sont bons pour nous, des produits respectueux de l'environnement, en cohérence avec nos valeurs. Une étude notamment de Casseur de 2017 sur l'autodétermination montre que trois besoins, que sont la compétence, l'autonomie et la relation, lorsqu'ils sont satisfaits, améliorent la motivation de soi et la santé mentale. Ok, merci pour ta réponse, c'est super clair. Donc contrairement à ce qu'on entend super souvent, des comportements durables, voire pro-écologiques, pourrait aller vers un meilleur bien-être, tout comme la satisfaction des besoins. Justement, sur ce troisième sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Beck. Vous êtes psychologue social et environnemental. Merci d'avoir accepté l'invitation et nous avons quelques questions à vous poser. Alors, en premier lieu, on voudrait savoir un petit peu plus précisément qu'est-ce que c'est que la dissonance cognitive et quel rôle elle joue dans le changement des comportements. Donc, la dissonance cognitive, je pense que vous l'avez bien définie à mon sens. C'est un inconfort en fait psychologique qui résulte d'une contradiction entre nos valeurs, nos comportements et notre attitude présent avec celles qu'on a eues dans le passé. Donc par exemple, si quelqu'un se dit très écolo et qu'après il va consommer de la viande en sachant pertinemment que ce n'est pas forcément un comportement écolo, eh bien il va avoir une dissonance cognitive. Il va être gêné par cette situation et du coup il va essayer de la résoudre. Il peut la résoudre soit en ajoutant des cognitions. En se disant, donc par condition on entend des pensées, en se disant ok bon c'est une exception, c'est une fois, et parce que voilà ma grand-mère m'a fait ça, je peux pas refuser, ou soit il va changer son comportement et arrêter en disant ok non c'est bon, il faut que j'arrête de trouver des excuses, je vais essayer de trouver un autre moyen pour ne pas consommer du coup de viande. Donc en fait la dissonance cognitive, son rôle dans le comportement, c'est un acteur du changement. En fait, c'est un point clé où, à partir duquel, on va pouvoir changer de comportement au lieu de le conforter. Et donc, vous parlez de comportement. Comment accompagner en fait le changement de comportement ? Alors, accompagner le changement de comportement, il y a différents outils qu'on peut utiliser. Un outil qu'on utilise dans la vie de tous les jours c'est la comparaison sociale. Donc, c'est le fait de se comparer par rapport à nos pairs, par rapport à aussi une norme sociale, par exemple. Si vous êtes avec un groupe de personnes qui agissent et qui sont très engagées dans l'écologie et que vous n'avez pas ce comportement-là, ben vous allez vous sentir un peu seul et vous allez vouloir faire comme les autres, en fait, appartenir à cette norme sociale. Et donc c'est en ça que vous allez changer votre comportement et le maintenir dans le temps pour rester en fait dans ce groupe, rester avec cet esprit de corps qu'on peut avoir. Mais il y a aussi un autre aspect une autre technique qu'on peut utiliser, c'est la comparaison temporelle. Et pour ça, c'est le fait en fait de se comparer dans le temps pour pouvoir mesurer ses efforts et continuer à s'auto-motiver. Et l'avantage de cette technique, c'est que même si vous êtes sur une île déserte, vous pouvez quand même l'utiliser. D'accord, et comment maintenir ce changement dans le temps ? Alors pour maintenir ce changement dans le temps, du coup, il faut nécessairement arriver à soit avoir plusieurs expériences au niveau de la comparaison sociale, soit pour la comparaison temporelle, il faut noter. Noter, en fait, ce qu'on, notre empreinte carbone, par exemple, à un instant T, pour reprendre l'idée de l'écologie, et à un instant T2, T3, T4, et ainsi de suite, pour voir, en fait, notre progression. C'est notre progression qui nous permet de nous maintenir dans le temps et maintenir ce comportement-là. Et par exemple, il existe aujourd'hui des tonnes d'applications. Je pense pour tout ce qui est santé alimentaire, il y a Yuka, par exemple. Vous pouvez, du coup, noter à quel point, combien de produits avec une bonne notation vous avez utilisé cette semaine, puis la semaine suivante, puis la semaine suivante. Et au niveau de l'empreinte carbone, aujourd'hui, il existe Indice Fossile, qui est une application d'ailleurs développée par un petit groupe tous les ans, qui s'occupe justement de donner des informations sur notre empreinte carbone au fil des jours, quoi. Et pour ça, c'est très simple, il suffit juste de scanner en fait le produit, le QR code du produit. Et pour conclure aussi, j'ajouterais que même si ces techniques-là permettent de maintenir un comportement, elles peuvent aussi maintenir un comportement qui soit positif ou négatif. Donc il faut à la fois les utiliser pour nos comportements qui sont, entre guillemets, bénéfiques, et être aussi alerter sur ces mécanismes qui peuvent maintenir nos comportements d'addictologie sur des produits qui sont pas forcément bons pour la santé, des produits par exemple trop sucrés. Et une dernière question, plus en rapport avec ton métier, est-ce que tu observes une évolution du nombre de personnes qui souhaitent changer leur comportement alimentaire et pour quelles raisons ? Eh bien, cette question, je ne peux pas répondre pour la simple et bonne raison que je n'exerce pas mon métier de manière dans un cabinet où je rencontre des personnes et je les accompagne dans le changement de comportement. Donc je n'ai pas de vision en fait sur le sujet, et pour avoir une vision globale sur ces questions-là, il faut, je pense, solliciter des études plutôt statistiques qui travaillent en fait ces questions. Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses. Merci beaucoup Thomas pour votre intervention. Donc il semblerait donc que notre régime alimentaire influence la santé mentale à travers les effets biologiques des aliments, mais aussi à travers les dimensions psychologiques et éthiques qu'il comporte. Notre podcast touche à sa fin. On espère que ça vous a plu. On espère aussi que cela vous aura rendu plus curieux et vous motivera à vous intéresser à votre assiette. Car il en faut peu pour être heureux. Mangeons mieux. Nous souhaitons remercier notre intervenant Thomas Beck, ainsi que la commune de Toulouse et la région Occitanie, ainsi que le studio Campus FM qui a eu la gentillesse de nous accueillir, et l'école d'ingénieurs de Purpan et nos chers professeurs, sans qui ce podcast n'aurait pas pu être possible. Merci beaucoup. Plus à faire.